moment, il monte l'opéra, il a tout perdu, mais sur un bateau avec des bribes comme ça. Et en même temps, c'est sûrement un des plans, il y a le tout dernier plan du film, le sourire de Kinski. On voit rarement un sourire aussi radieux chez Kinski, notamment peut-être parce qu'il est soulagé, parce que ça s'arrête enfin. Hark, hark, my friend, cannon thunders are swelling. Hark, hark, my friend, cannon thunders are swelling. Over earth's green fields and ocean's wave-beat shore. How terrible the truth those fierce thunders are telling of that battle where enemies shall be no more. Onward we go, for still we hear them thundering. Soldiers come, for our leaders bid you come. And through the dark it echoes loudly ringing. The results of battle leads us home. Far, far away, like the judgment of evening pealing, the voice of conflict sounds over land and sea, and land vessels by thousands swiftly sinking. Fierce but weather turns their dreary waves to thee. Rest comes at last, though fight be long and dreary. The day must dawn when darksome storms be past, and conflicts end with welcomes to the weary, and at Werther, the nation's true home will come at last. Welcome the fighters of the night. Angels of Jesus, angels of light, waiting to welcome the Christians of the fight. Hark, hark, my friend, cannon thunders are swelling. Hark, hark, my friend, cannon thunders are. On va parler de Kinski. Alors, on a raconté toute la puissance qu'il peut dégager. On va maintenant écouter Kinski parler de son métier d'acteur, la façon dont il perçoit, et on parlera nous deux après de Kinski. Guégard, il a dit une fois, t'es un acteur, t'es un vrai acteur, il a dit, c'est quelqu'un qui plonge dans le fond de son âme pour harponner ses démons. Et moi, je peux dire, j'ai toujours pensé, toute ma vie, et aujourd'hui je peux dire ça beaucoup plus en plus conscient, n'importe quel personnage, ça vient des mêmes sources, toujours. C'est-à-dire, ça prend place dedans vous, et ça repousse les autres. Je sais pas, un million de démons, de fantasmes,